Les antécédents, c'est ça le rôle. Peut-être un réveil d'appareil. les antécédents, vous devez vraiment tous les dénommer. Si vous savez que vous allez traiter une morale, qu'est-ce que vous avez fait? C'est anesthésique, mon médecin anesthésiste, s'il doit l'opérer, il doit savoir combien d'anesthésie il a subi dans la vie, s'il a d'autres retards, s'il fait un nombre d'efforts, un passé en pineux, quelque chose. Donc on doit présenter au chirurgien le malade net, bien bilanté, qu'on sache quels sont les précautions à prendre, par exemple. Ça, c'est un exemple des plus simples. Qu'est-ce que vous avez fait aussi pour ça? On va traiter une HTR. Qu'est-ce qu'on doit savoir avant de donner un traitement Thank you. tueur. Si vous voyez le pont vers les tueurs, ça ne peut pas continuer la sortie. Vous ne pouvez pas s'en tuer. On ne peut pas commander la situation. Ça, c'est important. Donc, prenez au sérieux. Si c'est un sujet jeune, vous suspectez un petit peu un symptôme subjectif, hystérie, etc., l'absence de tueur, vous n'allez pas éliminer la chose. Vous allez jusqu'au bout, mais vous vous dites, est-ce que vraiment le malade, c'est une douleur ça organique ou non? À partir du moment où il y a des signes d'accompagnement, c'est ce qu'on appelle signes d'accompagnement, c'est certain. Encore. Ensuite, vous tapez le processus ternal. Le mesca, le frémissement, le frémissement. rapport à la palpation. On a dit que l'athérome était une maladie diffuse. L'athérosclérose touche quel territoire en dernier ? N'importe quel territoire. Le coronet, les vaisseaux destinés encéphaliques, la horte abdominale, les membres inférieurs, les membres supérieurs en général sont à l'aise. D'accord ? Donc, je vais vérifier par ma palpation et le reste s'il n'y a pas atteinte des autres territoires, en supposant de traiter un coronarien, de l'orthomastie. Vous allez voir une extension de la maladie athéromateuse. Donc vous allez palper de carotide, prudemment, et n'appuyez pas sur les tonus, sinon vous provoquez une bradycardie. Vous palpez les deux coups de carotide, vous avez une petite fois encore. Ok. Tous les membres inférieurs, c'est ceux-là qui sont anticipés à la palpation. Carotide, tout radio, tout les membres et le reste, jusqu'au pédule. Hémorragie superficielle, pédule. Ensuite, palpation continue. Insuffisance auriculaire. Ma propre, qui est sur le cardiaque gauche, c'est la jambe. progressivement dilaté le bébé, donc ce sera une défaillance ventriculaire. Présent. Allez-y. Allez-y. Présent. Il n'arrive plus, il faut le dire. Allez-y.